Je suis le professeur, j'ai un coup d'avance si tu te rappelles. Et arrête de faire la star sur Pépé, tu es pas belle. Je préfère Tokyo, dans la casa des papels. Et on prendra à coup de béquille si demain on a la telle. J'ai du mal à faire confiance, puis qu'on m'a tourné le dos. J'ai squatté la zone des DP pour qui devant le bendo. Le soir en rentrant dans ma caisse par un impro. Je raconte mon vécu, ma vie et mes blèmes pro. J'ai assez donné, j'ai changé, c'était étonné. Dans les filles, tu dis tu me connes, mais on s'est jamais vu. J'suis cramé, j'mets le pare-soleil. J'fais un son, j'ai pas sommeil. J'compte plus le shit, j'ai consommé. Les traits qu'on pu téléphoner. Marre des embrouilles, un jour j'en niquais un. Hein. Mais j'reste cool, j'vais m'enrouler un. Hein. Que il fait le fou, lui, c'est un gros dégain. Tu touches la famille, Matrix, c'est ça sans canoncier. Tout ça sans canoncier. C'est pas des gens, ouais, c'est des anges. On fait pas les jours avec les franges. Pépère dans le sud, dans ton quartier, dans ta zup. Y'a que moi et la lune sur la Côte d'Azur. Frérot, t'assure si tu m'aides quand c'est laser. Le fils coquille, faut que je me parabris nos airs. Je suis le professeur, j'ai un coup d'avance si tu te rappelles. Et arrête de faire la star sur Pépé, tu es pas belle. Je préfère Tokyo, dans la casa des papels. Et on prendra à coup de béquille si demain on a la telle. À l'hôtel, je m'appelle, je t'appelle. Si je suis seul à l'hôtel, drôle de telle. Je pense aux belles, je pense aux belles, je pense aux belles. Ouh, vas-y, fais-en un. Marre des embrouilles, un jour je vais en niquer un. Hein. Mais je reste cool, je vais m'enrouler un. Hein. Que il fait le fou, lui, c'est un gros dégain. Tu touches la famille, Matrix, c'est ça sans canoncier. Tout ça sans canoncier, tout ça sans canoncier, tout ça sans canoncier, tout ça sans canoncier.